casa con la de sus shows. Chaco, Gazo, Pro, este casa. Bitches, bitch, la casa. La mala es que. Ay, ay, ay. Gang, gang, gang. Cassav, bitches, elle veut Cassav. Pull up et t'es Cassav. Moi, tous mes gars blancs, ils ont taffé au black. Nous, comme on est black, on a taffé la blanche. BMO, quelques BMO. BMO, quelques BMO. BMO, vous abonnez-vous. BMO. Le lendemain, t'as perdu les tiens. Qu'est-ce qu'il a, il vient, il nous fait l'ancien. On sait que t'es un chien. Bien automatique, c'est un Glock 9. Je sors pareil, puis je revois la cockwine. Au studio, Jack, on fait des top lines. En fin du Gucci, Louis, off-white. Jerko, movie. Salopette dans mon jacuzzi. 10 kilos comme un moving. Bouillon, on opère au Uzi. C'est ton Jack, le flex. Encore une taf, je suis flex. Bien automatique, je fais un demi-tour. Quand je glisse pas, je flex. J'suis dans le mouvement, t'es dans la friend zone. J'suis dans le mouvement, j'suis dans le movie. Dégaine en Gucci, dégaine en Kenzo. Dégaine en Gucci, E-N-Z-O. Si t'entends papa, j'suis pas du Benbo. Si t'entends papa, grippe ta papa. J'envoie des ballons, j'suis pas dans le football. J'envoie des ballons, tu peux aspirer. Ah ouais, ces négros sont fauchés, sont périmés. Ils sont fâchés, donc sont fâchés. Tellement la dalle de manger qu'on sert pas les mains. Wouah, thanks. Prépare le cheval, le plan devant la PMI. Dans la PMI, fuck you pay me. J'suis dans un BM, maintenant je me permets. J'suis dans le BM, j'ai mis le contact. Y'a les cricots, les caps, c'est un qui tourne dans le secteur. Si tu fais l'acteur, on te fera danser pour le spectacle. Des envies noires, donc Nico Mouk, j'veux pas hésiter. J'veux pas hésiter, quitte à finir dans la mer. Et dans les bains, non, j'peux pas me louper. Les mauvais garçons, bêtises, tu sais qui c'est. Et dans les bains, non, j'peux pas me louper. Les mauvais garçons, bêtises, tu sais. Merci aux clients fidèles, chaque humiliation de billets. Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, chaque humiliation de billets. Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Les bons mondes sont remplis de cocaïne. Dagatine en guise de protéines. Cassav, bitches, elle veut Cassav. J'pull up et t'es Cassav. Moi, tous mes gars blancs, ils ont taffé au black. Nous, comme on est black, on a taffé la blanche. BMO, quelques BMO. BMO, vous abonnez-vous. BMO, vous abonnez-vous.